Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous inclinons nos têtes, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Te disons merci encore pour cette bonne journée que tu nous as accordée. Tu as voulu que nous soyons comptés parmi les vivants. Tu as voulu que nous soyons rassemblés en ces lieux en ton Saint-Nom. C'est pour tirer au maximum profit de ce que toi tu as accompli en nous. Tu es celui qui nous avait ouvert l'esprit. Celui qui avait parlé à nos cœurs et qui nous avait convaincus. C'est dans un seul objectif. Faire de nous ton peuple. Nous voici maintenant rassemblés, Seigneur, pour que toi qui nous as appelés, tu accomplisses ton œuvre en nous. Tu réalises ton programme à l'endroit de tout un chacun. Aide-nous, Seigneur, à discerner cela, de sorte que chacun de nous, Seigneur, puisse se mettre à ta disposition. Souviens-toi de notre berger qui est absent. Souviens-toi des frères et des sœurs qui ne sont pas au milieu de nous. Souviens-toi de nos maisons. Seigneur, donne de la paix à quiconque est troublé dans son cœur. Envoie la lumière à quiconque est dans les ténèbres. Fortifie quiconque est faible. Donne solution à quiconque est en difficulté, Seigneur. Fais que tes promesses et tes bénédictions se reposent sur chacun de nous. Bénis même nos frères et nos sœurs qui suivent en ligne. Que ton esprit, Seigneur, soit lui-même en action en ces temps. Que tout se fasse pour ta gloire et pour notre joie. Nous le demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous demandons de vous lever et nous prenons Job 42. Job chapitre 42. Job 42, nous commençons par là. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout. Donc avant cela, Job ne pouvait pas le dire. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui. En d'autres termes, Job a reconnu que c'était lui qui a fait ça. Parce que c'est Dieu qui a posé la question. Qui veut déranger mon programme? Qui est-ce qui a le courage de déranger mon plan? Job reconnaît cela. Il dit oui. C'est-à-dire c'est moi. Mais il ajoute, j'ai parlé sans le comprendre. Donc je ne comprenais rien. C'est pourquoi j'ai parlé comme j'ai parlé là. J'ai parlé des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Ce sont des choses qui ne peuvent pas venir d'un homme, mais ce sont des merveilles. Le Seigneur ajoute encore, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job intervient. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Que le Seigneur bénisse la portion de l'Écriture. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui sommes des croyants du temps de la fin des âges de l'Église, ces Écritures que nous lisons démontrent ouvertement que à la fin des âges de l'Église, les croyants ou les élus des temps de la fin, ce seront des hommes et des femmes qui reconnaîtront que Dieu peut tout. Amen. Souvenez-vous quand on parlait de le temps des décisions. Nous vous disions ceci, la vie de chaque personnage de la Bible révèle ce que sera le croyant du Nouveau Testament. La vie de tous les personnages de la Bible révélait aussi ce que seront les âges de l'Église. Amen. Ce qui est arrivé avec Abraham, toutes les étapes de la vie d'Abraham révélaient aussi comment l'Église marchera pendant les âges de l'Église, comment l'Église se comportera. La vie de Job ou le livre de Job aussi révèle les étapes des âges de l'Église. Vous allez voir le premier chapitre et le deuxième. Cela montre l'âge d'Éphèse et l'âge de Smyrne. Amen. Et puis, subitement, le chapitre 3, c'est l'âge de Pergame qui commence, l'âge des ténèbres, l'âge des grandes difficultés. Et vers le chapitre 30, 31, 32, commence les âges des Sardes, de Philadelphie et de la Odyssée. Le chapitre 42, c'est typiquement l'âge de la Odyssée. C'est à l'âge de l'Odyssée où Job comprend parfaitement les choses de la manière claire. Et lui-même le déclare en disant, je reconnais que tu peux tout. Il reconnaît l'omniscience du Dieu Tout-Puissant, l'omnipotence et l'omniprésence. Il sait que ce que Dieu a décidé, rien ne peut le déranger. Ce que Dieu a conçu s'exécutera. Cela montre, frères et sœurs, amen, que les croyants de l'âge de la Odyssée, les élus de l'âge de la Odyssée, ce seront des hommes et des femmes qui ne s'opposeront jamais à la volonté de Dieu. Amen. Nous ne venons pas ici, frères et sœurs, pour tout simplement faire un formalisme. On dit, oh, tu rends au kanisa. On dit, oh, nikudada. Nikunduku. Barshamu ni baptisa. Si tu kunakuya, ni ju akika, maneno ya Mungu ipate fashi mu maisha yetu. Que la parole de Dieu puisse trouver place dans nos cœurs. Amen. Tuko na kuya na wakati tuko na ngaria kubale bali tutangurua muimani bale bali tembea na huyu Mungu tunangara ku maonjo yabo maisha yabo mabitu bali majaribu yabo na mwisho wa safari yabo maisha na tunatamania vile vile na shi maisha yetu ikuye saba bali tutangurie. Bwana mbariki. Atukuye tu kuvala mankochi, kuvala mansamble, tolewe, tuowe, tukwe na maisha mzuri, tukwe bakoriste. No, no. Banite dada mwaminifu, nduku, mupendwa. Si tuku nakuya, tunayo kusa wakati tunangara ku Biblia. Uyu Mungu tuliamini, ni uyu Mungu alitemba na Ibrahim, ni uyu Mungu alisaidia Ibrahim, ni uyu Mungu alibapitisha mabipimo fulani, na mwisho yabo baritoka bashindaji, na Mungu alipata kuonesha wazi wazi kusema kama anaita mwanaume au mwanamke, uyu Mungu asharitiri yake bale baki alita. Bwana mbariki. Na mwangalie maisha ya Ayubu. Regardez la vie de Job. Alipita mkipimo cha nguvu kabisa. Il est passé par une grande épreuve. Kile wewe na mimi saa zingine tutapita kama. Peut-être on ne peut pas résister. Mais kitu tu moya frère kia kushangaisha maisha huyu mtu. Qui est étonnante dans la vie de cet homme. Arishi mwakati akukukuya ntanji ko moya ya. Il a vécu dans une période où il n'y avait même pas une écriture de la Bible. Alikuwa naishi. Il vivait. Kufatana na uvuto. L'inspiration, vous appelez. Selon l'inspiration. Ah, l'inspiration, frère Mounduni. Uvuto. Ungoziwaro. Alikuwa natembea kufatana na uvuto ya roho ya Mungu. Il marchait conformément. Mais kama unaangalia tu mtu bila kuyata na njiko moyo. Sans avoir aucune écriture. Bila kuyata na picha moyo bale bale mtangulia. Sans avoir aucune image. Mais alitembea muboka ya Mungu. Na Mungu mwisho ya yote akashuhudia kusema huyu mtu ni wangu. Bwana mbariki. Kama unaangalia confiance mwa milele alikuwa nayo yule hapa bantu. Utajiuliza kusema shitu kumu mambo ya Mungu au tuko nafama theater. Sommes-nous dans la parole de Dieu ou amen. Nous faisons des théâtres? Mungu ako napingana na shetani. Dieu s'opposait à Satan. Ebo namonesha shetani ya kusema. Wendo kamupime Job. Va tenter Job. Est-ce qu'on a toka wapi? D'où venez? Shetani aseme na toka kuzunguluka ulimwengu mzima. Je viens en train de errer ça et là sur la terre. Aseme skoriona ko mtumishi wangu Job. Mon serviteur Job. Bwana mbariki. Maisha haba bantu frère. La vie de ces gens mon frère. Ya baba pendwa. La vie de ces bien-aimés. Ile ikuna tu l'été a chié kiu kabisa la soif na njala ya kusema kumbi Mungu huyu tunaamini. En disant que c'est Dieu en qui nous croyons. Hakika ni Mungu wa kweli. C'est un Dieu vrai. Hawezi kubakia na mambo ya Mungu sama fikili. Ne peut pas rester avec la parole de Dieu. Hawezi kubakia na mambo ya Mungu sama wazo tu mukichwa. Une simple pensée dans ta tête. Amen. Non. angara Job beko nasema regarde Job il dit mashikio yangu iranza kushikia beko na kupaka beko nasema juu yako me leo miku natikisho ke huku Mungu ajia kweli miku napa mina pata onjo ya kusema huku Mungu ajia kweli iku nonesha nini nduku na dada. Qu'est-ce que ça montre? Que on a ouza kwa mukanisa. Tu peux être dans l'église. Barisho kubatiza. On t'a déjà baptisé. Aba kuchulize bantu bote. Si vous posez la question à tout le monde ici. Nani asha kubatizi waka mujina Bwana Yesu Kristo. Qui a déjà été baptisé au nom de Jésus? Si vous talamusha mikono. Tous nous allons les faire nommer. Kuku bengine kuna kwa 5 ans. Il y en a qui ont déjà fait 10 5 ans, 10 ans, 20 ans. 20 ans. Mais angara maonjo ile kuna bale bantu. Mais regardez les expériences. Utaona kusema ba mingi. Vous verrez que aba ya kwa bado na tikisho kusema Mungu ni wa vya kweli. Utasema ah frère Joseph comment est-ce que ma vie? Vous demandez comment est-ce que Shubangare bale bantu kama banapatikana mu mambo. Regardez ces gens lorsqu'ils ont des difficultés. Angara bale bantu kama bintu abiendeka ta muafya yabo. Ça ne marche pas dans leur vie ou dans leur. Angara bale bantu kama banapatikana mu mateso. Regardez ces gens là lorsqu'ils se trouvent en difficulté. Ah utaona kusema na mushimamio na bakosa. Au te chika so huyu mtu barumbatizaka kuna kuya miaka 5. Il a été baptisé il y a 5 ans. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Aute chika. Vous n'allez pas la. Yote ni nini? Tout ça c'est quoi? Ils entendent ce que disent les prédicateurs. Et qu'on a ce qu'il va oublier. Ce que leur pasteur dit. Il va pasteur il va mais bambia, la kini. Ils n'ont jamais eu un face à face avec le Seigneur Jésus. Or le christianisme frère. Commence par un face à face avec le Seigneur Jésus. Tant que cela n'a pas encore eu lieu dans ta vie, ma soeur, tu entends seulement parler de Dieu. Tu entends ce que disent les prédicateurs. Or, n'oubliez pas, l'âge de la Odyssée, c'est l'âge de la maturité de toutes les expériences chrétiennes. Mais c'est aussi l'âge de la maturité du faux christianisme. Amen. Amina. Et quand nous nous regardons à ces personnages, frère, Nduku. Regardez comment le Saint-Esprit a parlé par l'homme de Dieu, frère Branham. Il dit ceci, nous ressemblons un peu à Ruth. Dans la prédication, Job, le serviteur de Dieu. C'est une prédication apportée le 23 février 1955. Le 23 février 1955. Il compare l'église à Ruth. Analinganisha kanisa na Luta. Citation 53. Vers la fin. Et quand elle est allée glaner, wakati arenda kulokotisha, Luta, ah, c'est Ruth. Ni Luta. Elle est un type de l'église des gentils qui prend la Bible. Aller glaner dans les champs de Boaz. Cela montrait que c'est l'église du Nouveau Testament qui ira prendre dans les types de la Bible. Elle est le type de l'église des gentils qui prend la Bible, l'Ancien Testament, pour apprendre davantage au sujet de Dieu. Elle est une païenne, mais elle vient apprendre au sujet de Dieu. Elle veut connaître véritablement le Dieu qui, auprès de qui elle a trouvé grâce. Et suivez 54 maintenant. Pendant qu'elle était en train de glaner dans le champ, conduite par le Saint-Esprit, alors Boaz est arrivé. Boaz qui est le type de Christ. Amen. Amina. Remarquez aussitôt qu'il a regardé dans les champs. Boaz a regardé dans les champs. Et qu'il a vu cette jeune fille de gentil. Amen. Elle glanait derrière les moissonneurs. C'est ce que l'Église doit faire. Ramasser un peu ici, un peu là-bas, lire là, voir ce que Job a fait, ce que Abraham a fait, ce que Daniel a fait. Amen. Et tout cela, dans quel objectif? Ces grains qui étaient en train de mûrir représentent la vie. C'est ce que l'Église d'aujourd'hui doit faire. Qu'est-ce que l'Église doit faire? C'est regarder un peu ce qui est arrivé avec Abraham, ce qui est arrivé avec Ruth, ce qui est arrivé avec Daniel, les épreuves, la fermeté de David, de Josué, et tout cela pour que nous nous ayons la vie et que nous connaissions véritablement ce Dieu-là. Amen. Amina. C'est ce que nous faisons. Frères, sœurs, quand Job dit, je reconnais maintenant que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées, c'est-à-dire à ce que tu as décidé de faire. J'ai parlé sans comprendre des choses qui me dépassent moi-même. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. C'est-à-dire que je ne comprenais pas beaucoup de choses. Je suis fautif et je me repens. Frère, même pour se repentir, il faut d'abord pour cet homme ou pour cette femme que Dieu vienne dans son cœur le convaincre. C'est pourquoi mon nom a kukutubu quoi. Oh, tout. Bine kalaka bintu bia bongo. Muntu kutubu. Pour se repentir. Il faut pas que roho ya Mungu imwingie. Il faut que l'esprit de Dieu puisse le saisir. Na convaincre. Muntu atariba. Atarisharatika. Pour qu'à Tubu, quand si vous le lui apprenez comme à l'école, vous amenez tout simplement le formalisme à la maturité. Amen. Bila Mungu kutembelea mwanaume au mwanamke. Sans que Dieu n'ait visité un homme. Iyote tukunafanya ni dini. Tout ce que nous faisons ici, c'est de la religion. Et si à tout peine de bantu, tu quoi bantu ba qui dit ni fâche. Nous ne voulons pas devenir des religieux ici. Tu qu'on a mine à kusema. Qui l'a dada à ville mukupale. Qui l'a ndouku ville mukupale. Yoyote vile tunapatikana hapa. Quiconque tel que eko mone kuitwa na Mungu wa milele. Qui est appelé par Dieu. Na kama Mungu wa milele njoo alikuita. Kama yeye njoo anza kazi ya kimungu ndani mwako. Utaona maendeleo. Tu verras qu'il y aura. Mais kama ulikuya. Mais si tu es venu. Mone kusukuma na mtu. Poussé par quelqu'un. Anjo pale unaona Kikristo kinakuwa cha nguvu. Vous verrez que le christianisme est devenu difficile. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Branham est nasema hivi. Branham dit ceci. Mungu ashezake kutuma wamsho. Dieu ne peut pas envoyer un réveil. Kwa mwanaume au kwa mwanamke au mukanisa. Bila yembele kutengeneza bantu. Bila yembele kuita mwanaume au mwanamke. Bale batachukua wamsho ile. C'est pourquoi, frère, nous insistons que chacun vérifie en profondeur que réellement il est ici, c'est selon l'appel que le Saint-Esprit lui a fait. Et quand le Saint-Esprit a fait un appel à l'endroit du Même les démons doivent reconnaître que Abba, c'est un peuple à part. Abba, tu es Kuba Chezeya. On ne peut pas se jouer d'eux. Amen. Nous devons aussi les croire ainsi. Que mie, ma démon est niuwa. Les démons me connaissent. Fais mambo mini kifike. Ma démon n'a pas sculuri à nyuma. Les démons doivent reculer. Pourquoi? La promesse dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et Dieu n'a jamais retiré cette promesse là. Et où est cette postérité d'Abraham? J'ai entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Il faut que chacun de nous parle de cette façon. Je venais à l'église. Maintenant je comprends que j'ai Dieu avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je reconnais maintenant que tu peux tout. Ça, c'est un langage de croyants qui ont été en contact avec Dieu et qui ne reculent devant quoi que ce soit. Soit c'est la mort, soit Dieu est vainqueur. Amen. Si, frère, nous, mon frère, nous n'avons pas quitté la terre. Bon embarique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas d'excuses. Atuna na kujesabia. Ah. Kurudi nyuma pa. N'avons pas à nous justifier. Atuna na kujesabia. Nous sommes déjà Tunesha dans la présence du Seigneur. Fika muwepo wa Bwana. Amen. Regardez comment le Saint-Esprit parle. 1 Pierre chapitre 4. Rom takatif nasema Petro wa kwanza sura ya 4. 1 Pierre chapitre 5 plutôt, pas 4. 1 Pierre chapitre 5. Petro wa kwanza sura yake ya 5. Petro wa kwanza sura ya 5 verset 10. Mstari yake ya 10. Amen. Amen. Suivez. Mfuate. Le Dieu de toute grâce. Mungu wa neema yote. Qui vous a appelé. Mula limita. Mukwa pa. Êtes-vous ici? Mungu wa neema. Le Dieu de toute grâce. Ule arimita. Qui vous a appelé. Kwa njia ya Yesu Kristu. Au travers Jésus Christ. Njia nini? Pourquoi? Nashi tushiriki ku utukufu ya Yesu Kristu. On puisse participer aussi à la gloire de Jésus Christ. Amen. Amen. Utukufu ya Yesu Kristu. La gloire aina de paka pale tutakwendaka kumbingu. Ce n'est pas seulement lorsqu'on ira. Kama leo beko natapa Yesu Kristu. Si aujourd'hui on va. Nous devons être participants à ça. Amen. Amen. Il nous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Nous allons passer par différentes épreuves. Pour parvenir à la gloire éternelle. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Nous serons inébranlables seulement au ciel. Affermissement ni kumbingu. Uti wa nguvu ni pa kumbi, c'est au ciel. C'est ici sur la terre. Nia papa dunia. Dieu doit avoir des hommes et des femmes qui ne bougeront jamais, quelle que soit la situation. Amen. qui sont fermes. Ferme en quoi? Pas dans les choses de ce monde. Ferme dans la parole de Dieu. Et qui croit que ce que Dieu a dit doit arriver. Comme Dieu a promis le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit arriver. Amen. Lui-même Dieu doit faire ça. Mais d'abord, qu'il vous appelle. Regardez, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Distraction yote na pasha kushima ma frère. Toute distraction doit s'arrêter. Kulenga makote. Shituku na mwito ya juu kabisa. Nous avons une haute vocation. Ula retweeta. C'est lui qui nous a appelé. Aina njitu anzi kushunguluka junguluka hapa. C'est pas pour qu'on commence à tournoyer ici. Kuza miotoka manyumba kuya les. Bile bintu na tabantu bota babeko ne bipatu. Même les païens non. Tuku na mwito ya juu kabisa. Nous avons une haute vocation. Bwana mbariki. Que Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 13. Wa Ebrania sura 10. Verset 20. Quel est Dieu de paix? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a ramené d'entre les morts les grands bergers des brebis? Maintenant regardez. Par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il doit faire ce Dieu de paix? Lui qui a ramené Jésus d'entre les morts et qui a fait une alliance avec nous. Une alliance qui ne peut pas être violée. Nous, nous sommes un peuple d'alliance. Frère, et dans notre alliance, tout ne nous est pas permis. Nous sommes un peuple en étant dans l'alliance, sachant qu'il y a des paroles d'alliance. Et ces paroles d'alliance doivent s'accomplir coûte que coûte. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre. Vous ne serez pas des chômeurs. Qui la mumoja? Chacun de nous. Dieu doit lui donner la puissance afin de manifester. Uyu dada, uyu ndugu, ses frères, ni batoto agano. Ce sont des enfants de promesses. Amen. Amen. Vous voyez une telle puissance. Bwana mbariki. Vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit, il y a des hommes et des femmes. Pour eux, cela doit arriver. Qui veut obscurcir mes pensées? Non, personne. Je reconnais que tu peux tout. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Qu'il fasse en chaque frère, en chaque soeur, ce que Dieu veut, ce que Dieu trouve bon en faveur de la soeur et du frère. C'est ça la raison. Écoutez comment le Saint-Esprit parle. Dans, j'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Citation, la prédication est apportée le 24 novembre 1965. Citation 55. Voyez-vous, une fois qu'un homme ou quelqu'un est réellement entré en contact avec Dieu et qu'il a cette foi authentique révélée qui lui fait reconnaître que Dieu existe, cet homme ou cette femme est ancré totalement en Christ. Il ne peut pas bouger. Hein? ne peut pas bouger. Et une fois que vous avez reçu ce genre de révélation qui vous dit que vous êtes dans votre droit, Amen. Que vous êtes effectivement en droit de demander la chose que Dieu a promise dans sa parole, cet homme-là, cette femme-là ne peut pas reculer, ne peut pas se reposer jusqu'à ce qu'il voie la réalité de ce qui est écrit dans la Bible. Mais qui a kwanza, ni mwanaume ule mwanamuke, akika aripatana na Yesu Kristo. Il a rencontré Jésus Christ. Bwana mbariki. Je le Seigneur vous bénisse. Njoki letu kuna kuia. C'est ça notre le but que pour le il faut Dieu adada. Il faut que Dieu anduku. Na wewe mwenyewe useme. Que tu dises hapa ici. Aina bile pasteur alisema. Ce n'est pas ce que le pasteur. Aomba ubiri barisema. Ce n'est pas ce que le pasteur. Mimi mwandiku mushuda. Ya kusema Mungu ni wa uwezo yote. Dieu puissant. Mungu asibadilishake mawazo yake. Na kile Mungu anaweka sa mipango paka kitafika. Kile Mungu analaka ndani ya Biblia paka kitaonekana. Ni bale banaume na banamuke ba vile. Jo bale Yesu unatafuta na leo. Parce que Kristo kinafika mukukomala. Wakati ya michezo inapashishima. Le temps des blagues est révolu. Bwana mbariki. Que Dieu vous bénisse. Angaria frère. Regarde mon frère. Angaria mu Bible. Regardez dans la Bible. Angaria kulifika wakati. Il est arrivé un certain temps. Élisée. Elisha. Mungu anamuita. Dieu l'a appelé. Eli anaona kusema mashiku yangu inenea kuisha badunia. Eli a reconnu que mon temps est arrivé. Mena ashikupenda kia uzunishe kijana uli. Il ne voulait pas attrister ces jeunes gens Élisée. Aripenda kaponyoke apoteye. Il voulait s'échapper et partir. Bila kijana kona. Afin que les jeunes Ariwa gens ne puissent pas se rendre compte. Il savait que ça lui fera du mal. Nariwa kusema. Il savait que Élisée eko na mutumainia sana. Élisée avait mis beaucoup de confiance en lui. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Angari ananza kumonesha Élisée. Il a commencé à lui dire: reste ici, je t'ai pris. Dieu m'appelle tel, aller à tel endroit. Élisée a dit dans son cœur: il engage ne mal à kwanza mina nzu kuishikia. Il engage ici, c'est la première fois de l'entendre. Iya kusema de me dire que bukoriste bunenea. Arrête d'être coriste. Ivu kutu dada wa bien, frère wa bien. Élisée a dit non. Mimu pana moyo wangu. Au fin fond de mon cœur. Miku na shikia niku naona tu maonjo mu maisha huyu mzee. Je vois les expériences dans ce lieu. Mais mimi mnamo na upekee. Ma manière particulière. Nisha onja kintu. Je n'ai jamais expérimenté quoi que ce soit. Mais là huyu vie akipotee. Si ce vieux disparaissait. Si yeye pa mi kuanzia. Je ne sais pas par où commencer. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Eli anamonesha sema. Eli lui a dit: bakia ku Gilgal. Reste ici à Gilgal. Asema pana. Il a dit non. Sikia comment il a parlé. Regardez namna gani alisema. L'Éternel est vivant. Wa milele kuai. Ton âme est vivant. Na nafsi yako iko hai. Je ne te quitterai point. Siwezi kamwe kukuacha. C'est-à-dire pour manana moi. Kwangu mimi. Tu es tout ce que je veux voir. Wanjo kukiote kile mimi napenda kuona. Tout ce que je voudrais posséder. Ile yote mimi napenda kushika. Pour Élisée, kwa Elisha, Eli était tout Dieu qu'il voulait consommer. Eli alikuwa ndio Mungu wote ulipenda kupata. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Mena kunyacha bila weye. Mais laisser sans toi. C'est de l'insécurité pour moi. Nikubakia katika hatari kwangu mimi. Bana chofu. Ils ont avancé. Wanatoka mu Gilgal. Ils ont quitté Gilgal. Wanafika kani Jericho. Ils sont arrivés, je ne sais pas. Eli anamsiplia simebakia mbele hapa. Reste si je t'ai pris. Eli asime pas question. Élisée a dit non à kuna. Mie. Moi. I mambo Mungu arinita. Dieu m'a appelé. Nifike paka mukufikisha mambo kumwisho. Jusqu'à son terme. Paka nipate Mungu mu maisha yangu. Jusqu'à ce que je reçoive Dieu. Njo ali abateule. C'est ça là. Tu bateule frère. Désolé mon frère. Kuya mukanisa. Être dans l'église, ce n'est pas suffisant. suffisant. Être la Torah, ce n'est pas suffisant. Être épousé, ce n'est pas suffisant. Gari, avoir un véhicule, ce n'est pas suffisant. Kufundisha c'est pas grave. Scolariser les enfants, et évoluer, ce n'est pas suffisant. Même les gens de l'église, yetu, mais Jésus-Christ que Jésus-Christ vienne dans ma vie. Et le Seigneur vous bénisse. Élisée ne s'est pas tranquillisé. Restez à Bethel. Élisée m'a pana. Élisée a dit non. Maintenant il a commencé à regarder. Il y a quelque chose qui est sur le point de se réaliser. Il faut que j'aie Dieu. Kama muzeu ya shina si ces vieux disparaissaient, que je ressocie avec mon Dieu personnel. Que le Seigneur vous bénisse. Ils ont évolué. Jusqu'à ce que banafika kumwisho. Elie na nguliza. Elie lui a dit. Unatafuta nini? Qu'est-ce que tu cherches? Oh, Elisa simeka muruliza. Elisa, il fallait le demander depuis très longtemps. Unaona hii uwezo kuna. La puissance que tu as. Huyu Mungu yako natumika na wewe. Jo ule miku natafuta na mimi maisha yangu. Mungu alinitaka. Asiwezi kubakia nikupanga na angalia. Ne peut pas rester quand tu toujours à regarder. Mais c'est soit une expérience personnelle. Ils sont devenus minoritaires. Il suffit seulement qu'on les baptise. Il devient au Kambov Tabernacle. Pasteur anamuyua. Il est passé le connaît. Kukiriyo yake tunenda. Kunesha nona kusema njo mambo ya Mungu. Il croit que c'est fini, c'est ça la parole de Dieu. Bila taba méthodiste beko na Dieu frère. Même les méthodistes en nous aussi. Dans toutes ces églises pentecôtistes, yote beko na. Église pentecôtiste, ils en nous aussi. Mais nous, nous sommes bénis. Ni tu a kila frère. Pour que chaque kila sœur. Jésus-Christ akwe moyo wake. Que Jésus-Christ puisse venir. Atembe na Jésus-Christ. Ata unapatikana pa we moya. Tu te retrouves seul. Ata wakati utaanza kupita mu mabipi mais ça job. Même si tu traverses dans des épreuves comme job, tu ne vas pas bouger. Tu ne vas pas bouger. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez à Job. Comme il savait que cette attraction que j'ai trouvée, c'est d'un Dieu véritable. Même lorsque la chose était difficile, Job a dit, je ne comprends pas bien, mais une seule chose que je connais, j'ai Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il l'a dit lui-même. Job chapitre 30. Yobu sura yake makumi tatu na moja. Ngaria kusema kwa huyu mtu wa Mungu. Regardez le langage de cet homme de Dieu. Job 31. Yobu sura makumi tatu na moja. Verset 24. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si ma richesse était toute ma confiance, si le véhicule et les enfants étaient tout mon espoir, frère, Ndoukou. Verset 25. Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueusement, si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, frère, anasema Mungu alipashi kuyua. Dieu pouvait le connaître. Bile byote ndianze kufomu secret. Tout ce que je faisais en secret, Mungu anayua. Dieu le sait. Kama vraiment espoir yangu ilikuwa ni nyumba, si tout mon espoir était seulement ma yang, maison, batoto yang, mes enfants, mali yang, ma richesse, Dieu le sait. Il est dit en quel moment? Magumu, lorsqu'il était en batoto kufwa, les enfants étaient déjà mali là, kupotea, ma richesse était dissipée, tout avait disparu. Na sema, et il est dit Mungu anipime, que Dieu me sonde. Et je crois que j'ai saisi seulement la parole. Je suis suivi Jésus-Christ. Je ne t'ai pas venu ici pour devenir ancien ou diacre. Si c'était ça mon objectif, que Dieu me sonde. Combien peuvent le dire ici en cette période? La Bible n'était pas là. Mais nous avons beaucoup d'exemples de pouvoir nous aider à marcher correctement dans la parole de Dieu. Il y a des gens ici, la maison, c'est ça son Dieu. La richesse, son argent, c'est ça son Dieu. Il va te dire, jouez avec moi, ne joue pas avec moi. Ma richesse, mon argent. Je n'aime pas qu'on touche à mes enfants. Les enfants deviennent ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et lui dit, Eli anasema, non, plutôt Job. Job anasema, si c'était ça mon attitude, kama njo ilikuwa ali yangu, dans les secrets, musiri yangu, frère, Dieu l'aurait su. Angeijua. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aussi, lorsque nous regardons à de telles personnes, cela suscite en moi et en toi une détermination de ne posséder que Dieu et sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11 la foi, on peut lire ça. On peut lire ça. Hébreux chapitre 11. Wa Ibrania sura ke 11. On est presque à la fin. Tuko karibu na mwisho. Regardez le Hébreux 11. Tazameni wa Ibrania 11. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. La foi, imani, est une ferme assurance. Ni mipango ya nguvu. Des choses qu'on espère. Ya bintu bile tunatumainia. Une démonstration. Kuonekana. De celles qu'on ne voit pas. Kwa bintu biasipo onekana. Maintenant, suivez le verset 2. Mfate musari ya pili. Pour l'avoir possédé. Kisha kuipata. Il a tikishwa ile namu. Une telle assurance. Les anciens. Bazamani, Job anani ba Job. Qui sont-ils? Ce sont ba les Daniel. Job. Les Daniel. Ba Abraham. Les Abraham. Pour avoir possédé cette assurance d'avoir seulement Dieu. C'est ça pourquoi ils sont venus suivre Jésus-Christ. C'est ce qu'ils avaient comme décision. Certes, il faut à tout prix qu'on ait Dieu. Pour l'avoir possédé. Qui cette conviction. Il est acquis. Cette détermination. Il est mipango. Et Dieu na Mungu leur a rendu témoignage. Ariba shudia. Comment Dieu a dit, na mna kani Mungu alisema, voyez ces gens-là. Tazameni aba batu. Imitez leur foi. Mufuatirishe imani yabo. Mukwe sabo. Quand je les ai appelés, wakati nariba pour ita, eux, c'était Dieu ou rien. Ilikuwa ni kupata Mungu au apana. Mieux vaut tout perdre et avoir Dieu dans son cœur. Alakini kuwa na Mungu mumoyo wako. Pour l'avoir possédé. Kisha bo kupata ile imani. Les anciens. Bazamani. Qu'est-ce qu'il dit là? Manasema nini? Ont obtenu un témoignage favorable. Baripata ushuda ya mzuri. Qui a donné ce témoignage favorable? Nani ule alileta ile ushuda mzuri? C'est Dieu. Ni Mungu alibashuhudia. Mungu yeye mwenyewe. A témoigné. Alibashuhudia. De Abraham. Abraham. De Job. Bayobu. De Jacob. Na Yakob. De Daniel. Na Daniel. Lui-même Dieu a témoigné. Yeye mwenyewe Mungu alibashuhudia. Dieu peut-il témoigner sur toi? Et Mungu naye anaweza kushuhudia wewe? Wewe mwenyewe sasa uliangalia. Examine Dieu peut-il dire et Mungu à l'humanité que voilà ma fille, Mdunia, voilà mon fils. Tazameni bintu wangu, tazameni mtoto wangu. Dieu peut-il dire ça? Et Mungu anaweza kusema hivi? Nous devons nous arrêter. Où est-ce que nous allons avec cette affaire? Nous nous sommes joints seulement à l'église. Ou bien qu'est-ce que nous sommes venus qui faire? Qui a donné ce témoignage favorable? Il n'a pas l'air de l'arrêter au Shuda Yamzuri. Ushuda ya mzuri. Mungu analeta ushuda. Dieu a témoigné. Ase mwangarie abangwa. Regardez au mien. Rappelez-vous de ce qui a été dit dimanche. Kumbukeni ile risemwe wa musiki wa Mungu. Portez le regard sur Abraham. Mwangarie macho yenu yule ya Ibrahim. Et sur Sarah. Na yule ya Sarah. Que j'ai appelé. Bale na liita. Que j'ai béni. Bale na multiplié. En d'autres termes. Na mwingine akusema. Si mwangarie bale bali mitanguria muimani. Regardez ce qui vous ont précédé. Vive pour bale ba mambo mwito ya Mungu. Comment est-ce qu'ils vont considérer la vocation de Dieu? Est-ce que c'est de la même manière que vous l'avez aussi considéré, vous dites-le de la fin? C'est de cette manière que nous devons nous poser la question. Hébreux. Ouais, Hébrania. Chapitre. Surayake. 6. Surayasita. Hébreux chapitre 6. Hébrania Surayasita. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèles pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Matumaini ya utele. Amen. Amina. En sorte que Munamuna kusema, vous ne vous relâchez point. Mushiatirie kamwe. Qu'est-ce que vous devez faire? Munapashu fanye nini? Que vous imitiez. Mupate kufatirisha. Qui ça? Banani. Job. Yobu. Abraham. Ibrahim. Daniel. Danieli. Par la foi kwa imani, et la persévérance. Nakudumu. Ce qu'on appelle la foi, imani, la conviction akikisho, de ne désirer que Dieu ya dans son cœur, de ne posséder que les paroles de Dieu. Imiter ces gens-là qui, en qui leur préoccupation était seulement Dieu, satisfaire Dieu mungu, et le reste après. Na bile binabakia bifate nyuma. C'est comme ça que nous comportons. Le Saint-Esprit termine en disant, un homme appelé de Dieu, c'est un citation 36. Suivez maintenant. Lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, wakati ile Mungu anajitayarisha kufanya kitu fulani mu mambo ya kiroho, kama Mungu anaanza kutayarisha afanye kitu fulani mu kiroho, lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose, voyez-vous dans que l'enlèvement est devant nous? Quand Dieu se prépare à faire quelque chose de surnaturel, en général, kwa kawaida, il va chercher un homme atatafuta mwana mtu moi, en qui il peut mettre sa confiance. Dani yake anawezi kuweka matumaini yake. Il le oue. Atampaka mafuta. Et l'envoie. Na kumutuma. Et cet homme na ule mutu ne recule devant rien. Achezi rudi nyuma mbele ya izuru kitu gani. Pour s'acquitter de sa tâche. Jo apate kumaliza kazi yake. Il ne recule devant rien. Achezi kurudi nyuma tout mbele ya kitu gani. Tout ce qui le préoccupe, angaiko yake yote, se faire ni kufanya ce que le maître lui a dit. Kile bwana alimwambia. C'est être à la disposition du maître. Tayari mbele ya bwana. Pour que le maître tire profit de sa présence sur la terre. Jo bwana apate faidio kuwepo wake pa dunia. Bwana mbariki. Kile senye vubenisi. Sisi tuna comprendre programme ya Mungu. Nous qui avons compris le programme de Dieu. Tunayua kile tu kunafanya hapa. Nous savons ce que nous faisons ici. Mungu kama matayarisho. Dieu est dans la préparation. Tuko nokane ko banaume na banamuke. Pour qu'il y ait manifestation des hommes et des femmes. Mungu yote bale Mungu ata présenter ku dunia. En fin de compte que Dieu va présenter au monde. Les miens sont ici, les voici. Et je les prends. Dieu kile sisi tunafanya. C'est ce que nous avons suivi. C'est pourquoi frère. Dieu commande. Je dois que michezo mu mambo ya Mungu. Nous nous blaguons pas. Mais si toi tu viens si par habitude, très sérieux, nous nous sommes très sérieux. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons ce que nous avons suivi. Nous savons pourquoi est-ce que nous avons cru au message. Parce que nous savons qu'il y a quelque chose de surnaturel qui va s'opérer. Ça ne demande pas beaucoup d'études. Ça ne demande pas d'avoir un mariage. Ça demande d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Il faut que tu puisses t'examiner toi-même en disant, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Quelqu'un qui doit ressembler à l'église. C'est Ruth. Ni Luta. Vous allez lire ça à la maison. Regardez quand Ruth, Naomi Luta, devait rentrer en Israël. Naomi a repas urudia mu Israël. Naomi libère les deux belles filles. Naomi anacha bakoyake bawili babinti. Il est radi. Mulurie kuba miungu yenu. Retournez à vos idoles. Mulurie mukafa maisha parce que retournez, allez faire encore votre vie. Allez recommencer votre vie. On va gagner bien maisha yenu. Vous épouser pour gagner votre vie dans votre pays. Orpa. A dit, oh, il fallait le dire bien avant. Il y a déjà un jeune gens qui me sollicite. Je ne peux pas mourir sans enfant. Il faut que j'ai des enfants. Je suis encore jeune. Amen. Amen. Naomi a dit, Naomi akasema, j'ai vu Dieu miliona Mungu, par mon beau-père, kupitia babangu mukwe, par ma belle-mère, kupitia mamangu mukwe, et mon défunt mari. Na bwanangu ce nalikufa, peuple a réellement Dieu. Akika beko na Mungu. J'ai entendu, nirisikia, mais mon œil n'a pas encore vu. Alakini risikio yangu haiona. Dois-je rentrer et tintarudi pour un autre mariage, pour seulement les choses de ce monde? Juu tu ya bintu apa dunia. Naomi a dit non. Naomi anasema pana. Entendu. Mirisikia sana. Amen. Amen. J'ai déjà entendu parler de Dieu Benataya par mon beau-père et ma belle famille ici. Bakoyangu. Il dit à Naomi, je ne me presse pas songe pour repartir. Juniende. Ton peuple taifa yako sera mon peuple. Itakuwa taifa yako. Pourquoi Juyani? Ce peuple là a Dieu. Juu ile taifa iko na Mungu. Je voudrais être de ce peuple. Mimi napenda nikuwe wa ile taifa. Où tu mourras? Pas l'otafuya. Je mourrai. La mine John tafuya. Pourquoi? Il y a résurrection des morts. Huko ufufuko yabafu. Non seulement cela. Aina paka ile tout. Ton Dieu. Mungu wako ule. C'est celui-là que je désire. Jo ule mina tamani. Avant le remariage. Bele ya kupata ndoa. Avant tout. Bele ya biote. D'abord que j'aie Dieu. Kwanza ni kuwe na ule Mungu. C'est ça ton cas? Eti njo mambo yako na weye. Avant le mariage. Bele ya ndoa. Que tu aies d'abord Dieu. Kwanza umpate Mungu. Avant le boulot, kazi, d'abord Dieu. Upate mbele Mungu. Avant le diplôme universitaire, ya diplôme ya d'abord Dieu. Kwanza upate Mungu. Tunaona sisi, tunaisha kutangurisha manyumba, nous avons précédé la richesse et les enfants devant nous. Et Dieu, na Mungu anafuata nyuma. C'est honteux. Nibia haya. C'est honteux. Nibia haya. Nous avons précédé toutes choses devant nous. Sauf Jésus-Christ. Nous agissons comme Joseph et Marie. Sawa Yusuf na Maria. Banatoka mu Yerusalem. L'enfant Jésus. Mutoto Yesu. N'est pas parmi eux. Ana katikati yabo. Ils font trois jours de marche. Banafanya masiku tatu ya safari. Quelle malédiction. Lana kanile. Depuis ton baptême, tangia kubatizwa kwako kufika na hapa sasa. Tu ne te rends même pas que Jésus n'est pas avec ya toi. Ya kwamba Yesu ana pamoja nawe. Et tu poursuis le voyage. Unaendelea tu safari. Bo. Uko mtu aje. Tu es quel genre de personne? Ni trois jours après. Kisha masiku tatu. Je vais te rendre compte que ils se sont rendu compte. Yesu ashina nashi. Jésus n'est pas avec nous. Où est-il? Fais de même aussi. Na wewe ufanye hivyo. Rentre là où normalement urudie. Tu dois avoir Dieu. Avant de poursuivre le voyage. Bele awe kuendelea safari. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Tutashimama shibo. Nous allons nous lever tous. Na wa munyambia Mungu akusema. Dita Dieu. Mina bisikia kapake hivi. J'ai toujours entendu. Mais Mungu akika. Certes. Yesu Kristo. Jésus Christ. Mumoyo wangu ashinda mo. Dans mon cœur je ne l'ai pas. Or milikuya ifasi. Et pourtant je suis venu ici. Ni tu ni pas Yesu Christ. C'est pour avoir Jésus Christ. Ruth a renda ka mu Israël. Ruth était rentrée en Israël. Ni tu pas Mungu à Israël. C'est pour avoir Jésus Christ. Na arimupata. Et certes il avait Ruth ni mufano. Ruth c'est le type ya ba Christo ba kumwisho. Des chrétiens du temps de la fin. Tombe Mungu sisi. Prions tous ensemble.